Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ça va bien. Vous savez que cette semaine, c'est une semaine un petit peu exceptionnelle, puisque comme tous les ans à cette époque-ci, bah, vous le savez déjà si vous avez écouté Electric Shock la semaine dernière en fin d'émission, ou si vous avez été faire un petit tour sur le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.fr, que cette semaine, et bien, comme tous les ans à cette époque-ci, nous allons parler du salon du disque et de la BD. Et comme toujours à la même époque, eh bien, je reçois donc Roger Chauveau. Roger qui est le disquaire bien connu de Planète Claire à Orléans et qui est également organisateur du salon Disque et BD. Salut Roger, je suis ravi de te recevoir une fois de plus. Bonjour Christophe, moi aussi, toujours. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici, puis bah, ça devient presque ta seconde maison radiophonique, on va dire, quelque part. Hein. Ah ben, entre autres, oui, oui. Donc cette année, bah, on va parler comme tous les ans donc, du salon du disque et de la BD, de ce qu'il va y avoir de nouveau, des nouveaux aménagements. Le principal, c'est le changement de lieu en fait. Hein, ah, là, oui. Oui, oui, ça change bien là. Hein. Oui, donc pour rappel, c'est au chapiteau maintenant qui a lieu, qui est sur le stade de la Vallée. Ah, juste à côté du stade de la Vallée, il y a un grand plateau là et il y a deux chapiteaux dont le nôtre où on expose tous les disques et BD. Donc une surface différente Un peu plus grand que d'habitude. On a 2500 m² au lieu de 2000. Donc un peu plus d'espace et c'est en un bloc. Donc ça va être tout beau, tout beau. Donc ça veut dire plus d'exposants encore que les autres années. Quelques-uns, on n'exagère pas pour qu'il y ait un peu la même quantité, que les gens travaillent, soient contents et puis qu'on ne perde pas notre monde. Mais c'est le principal, c'est que de toute façon, on s'y retrouve toujours parce que qu'on recherche un disque à 5€ pour compléter une collection manquante ou le super collector, voilà, on y trouve toujours. Ah, il y a tout, il y a tout, de 1 à 5000€. Voilà. Eh bien, on est là aussi pour écouter de la musique, bien évidemment. Et ce soir, eh bien, j'ai des nouveautés à vous proposer qui seront au nombre de 3. Et on va commencer avec une de ces premières, bah, c'est le nouvel album de Alter Bridge, le groupe des anciens musiciens de Creed. Ça doit te dire quelque chose, hein, Roger, toi qui es dans le disque, Creed. Oui, oui, je me souviens. Et pardon. Donc Alter Bridge, dont c'est le 6e album, et qui sont vraiment réglés comme du papier à musique, parce que tous les 3 ans, depuis 2004, on a un album studio. 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 et 2019. Donc le 6e s'appelle Walk the Sky. Bon, rien de bien nouveau sous le ciel de Alter Bridge, hein, si vous aimez leur style de rock alternatif. Par contre, pas de déception, on sait ce qu'on va avoir, c'est du bon, c'est du mélodique, avec un très gros son comme toujours. Bon, t'es prêt ? Prêt, toujours. Donc, un extrait de cet album, c'est Native Son. We'll be right back. Rock'n'roll, ah putain, qu'est-ce que j'aime ce groupe. C'était les Danois de Volbeat avec The Everlasting. Un petit extrait de Rewind, Replay, Rebound. Et Volbeat qui était en concert le 6 octobre dernier à l'Olympia. Concert que j'ai eu la chance d'assister, qui était vraiment fabuleux. Juste avant Volbeat, bah, c'est le premier morceau de la soirée et aussi la première nouveauté. Le tout nouveau, tout chaud album de Alter Bridge, puisqu'il est sorti vendredi, Walk the Sky. Et c'était le morceau Native Son. Et eux, bah, ils seront en concert, ce sera le 9 décembre prochain à l'Olympia également. Et puis si vous aimez Alter Bridge avec son chanteur Miles Kennedy, on le retrouvera tout à l'heure avec Slash. Sympa ça, hein, comme mise en... Oui, c'est marrant. Oui. On va continuer d'un registre plus différent. On va faire un petit tour au Canada avec une charme qui est toujours charmante d'ailleurs, canadienne. Ça doit te rappeler des choses du temps où tu vendais des disques, Lee Aaron. Oui, j'ai eu ça en vinyle même. Hein. Tout à fait, oui, parce que elle a commencé sa carrière en début des années 80. Et moi, à l'époque, je connaissais pas du tout sa musique. Par contre, je sais que je l'avais en poster dans ma chambre. Et pas mal de mes copains aussi d'ailleurs. On a longtemps fantasmé sur elle quelque part. Et là, elle a sorti son premier live après une carrière aussi longue. Moi, pour ma part, j'avais perdu sa trace dans les années 90. Je croyais qu'elle avait complètement arrêté depuis. En fait, elle n'a pas arrêté, même si elle avait complètement changé de registre. Du heavy metal pur, elle avait plutôt évolué vers du hard FM ensuite. Et après, elle a plutôt fait quelque chose d'un peu plus soul, un peu plus rock. Assez différent de... Et là, sur son dernier album, elle est revenue à quelque chose de... entre le rock et le métal, sans... plus musclé. Voilà, quelque part. Et donc, sur ce CD DVD live que je vous passe depuis plusieurs semaines, qui s'appelle Power Soul Rock'n'Roll Live in Germany, il y a, par exemple, Some Girls Do, qui était extrait de l'album du même nom, qui était sorti en 1991 et qui avait eu un joli petit succès au Canada. We'll be right back. Eh ben, elle nous montre qu'elle en a encore sous le pied, la jolie canadienne Lia Ron. On a eu Sex with Love et Some Girls Do. Deux extraits donc, de l'album du même nom qui était sorti en 1991. Mais là, c'est en version live sur le CD-DVD Power Soul Rock'n'Roll Live in Germany, sorti fin septembre, voilà, et qu'on vous passe régulièrement depuis. Sympa ça, hein, Roger, hein, ça, c'est toujours. Elle envoie, elle envoie. Tiens, puisque tu es là quand même principalement pour parler du salon, et que tous les ans il y a un thème précis, toi par exemple, il y a une année je me rappelle, tu avais fait un très beau truc sur Status Quo dont tu es un grand fan. Ah oui, une belle expo, oui. On avait eu un truc sur Johnny bien sûr l'année dernière, et cette année, comme c'est les 50 ans de Woodstock, donc on fait une expo Woodstock 69. Et puis il y aura quelqu'un qui va venir parler de ses bouquins qu'a déjà écrit pas mal sur le Grateful Dead qui était là-bas, le Creedence Clearwater, des choses comme ça. Donc il pourra expliquer, dire, parler de ce grand moment de Woodstock en 1969. Ce sera une animation. Est-ce qu'il y aura un film, quelque chose de projeté, ou ce sera juste Non, il y aura des disques d'époque sur cet événement, plus des affiches aussi. Voilà, quelques 45 tours des groupes qui ont participé. Il y a de quoi faire, hein, parce que vu ce qu'il y a eu. Ah oui, il y a une grosse liste, hein, avec même des noms quand on relit des choses, qu'on s'informe, des noms qui ont disparu de la circulation totalement. Et puis Woodstock qui a été comme un grand catalyseur pour la carrière de certains, parce qu'avant ils étaient complètement inconnus. Hein. Complètement, le meilleur exemple c'est Santana. Hein. Par exemple, oui. Oui. Santana, Joe Cocker aussi. Oui, c'est vrai. Richie Havens, des gens comme ça qu'on avait. Oui, oui. Avant. Bon. Mais enfin Santana, ça a été énorme parce que ça jouait bien déjà avant, et là elle a profité, c'est une belle promo. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Sinon, les horaires c'est toujours les mêmes, je crois. Toujours à 9h30 pour rentrer le matin jusqu'à 17h30, et en faisant attention que on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche, donc on dort une heure en plus, donc venez bien à la bonne heure. Donc là, tu risques peut-être même d'avoir des gens qui soient là une heure avant, qui ont oublié. Ça nous est déjà. Pourquoi ils n'ouvrent pas, bordel de Dieu? Ça nous est déjà arrivé. Hein. Eh ben tiens, on va continuer maintenant avec du pur métal hongrois qui chante en magyar. Je sais pas, tu connais des mots, quelques mots d'hongrois, non ? Pas du tout. Non, je même pas, oui. Même pas, oui, non. Traduire ce que ça peut dire. On va revenir avec l'album de Omen que je vous passe depuis plusieurs semaines avec un morceau qui s'appelle, alors je m'excuse pour la prononciation parce que je vous dis tout de suite, voilà, c'est déplorable. Hein. Ça s'appelle Senki Leni. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un le sait, hein, il ou elle peut appeler au 02 38 43 48 00. Látod, bármennyi sebből érzünk, szépen szakadék szélére értünk. És ha csak nem zuhannál, visszafordulsz, nincsen más. Arra megjön az útenger, ez a választás. Nem mindent bújva máshol. Nem baj, hogy pusztulsz, az a baj, hogy látszol. Így csak rontod a képet, belepiszkolsz. Jön a radír, eltűnsz, és az, hogy nem vagy már, nem is hír. Nem mindentünk fejjel fal, a fal. Lesz el majd valamikor. szemet, szerepet játszik, az is, aki szeret. Kódolt üzenet, nem állt, ha érted, ellened van a törvény, nem érted a szabadság. Furcsa bandot, a túlsó bandot, lesz majd egy bandot, de semmi sem biztos, csak egyedül az, hogy sírodon is villagasz. Körmöd kép, bőröd lila, pozitív, negatív terápia. Tükör a falon, a plafonokból, jobban leszel majd valamikor. Egyedül az, hogy sírodon is villagasz. Zsák utcád a tényedben, szomjaztak a véletben. Fin de notre petit voyage en Hongrie avec la Moby Dick et le morceau Therapia, extrait de l'album du même nom. Je crois que ça s'est sorti au printemps dernier, apparemment, parce que je sais. Et avant, on a eu Omen avec Senki Leni de Halal Fojitiglan, qui est leur dernier opus. Ça va, ma prononciation, elle est pas trop mauvaise ? Oui, oui, bah, de toute façon, ça va mieux, je te comprends, parce que le deuxième morceau, j'ai pas trop compris les paroles. Hein. Ah, c'était un problème d'audition, à mon avis. Donc ça, c'était pur métal, voilà. Puisque on parle du salon du disque et de la BD, je sais que ça aurait été plutôt Bruno qui n'aurait pu nous parler de BD, mais qu'est-ce qu'il va y avoir en BD, principe ? Ben, y a beaucoup de choix en vente, hein, évidemment, aussi, à la fois de la collection ou de l'occasion du neuf. Il y a pas mal d'exposants. Et puis on a, assez souvent, notre ami Will Argunas, qui viendra présenter ses derniers petits croquis, plus qui va avoir pas mal de choses qu'il a retrouvées chez lui à revendre en ancien. Et puis, ce qu'on est assez content, c'est qu'on a le petit fanzine qui s'appelle Cacographe, hein, qui y aura deux personnes qui viendront au moins expliquer ce qu'ils font sur l'actualité aussi en BD, même locale. D'accord. Des auteurs en dédicace aussi, non ? On en a un, David, qui était déjà là l'année dernière, qui tente à se faire connaître déjà sur la région. Et on devait avoir deux autres personnes, mais bon, ils sont partis à Saint-Malo. Ils aiment le bord de mer, mais nous, on aime bien les bords de Loire. Tout à fait, absolument. Changeons maintenant de registre avec la deuxième nouveauté de la soirée. Là, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a un défibrillateur dans le studio ou pas, parce que, bon, ça va, tu n'as pas le cœur trop sensible, Roger. Non, je peux aider. Donc, on va se faire du gros death metal bien méchant avec un groupe qui nous vient de Lyon qui s'appelle donc Death Awaits. Ils existent depuis 2002, quand même, donc un peu de bouteille. Et là, c'est leur troisième album qui vient de sortir, là, tout chaud, tout bouillant, qui s'appelle Rapture Smites. Alors, si vous aimez ce style, vous allez trouver qu'on n'a pas à rougir par rapport aux concurrents étrangers. Vous êtes prêts, bien installés ? Je décline toute responsabilité, hein. Screaming, but you're falling to revenge of all this bullshit. 19h45 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones. Balance en est grillé quelques-uns, n'est-ce pas Roger avec, Oui, j'entends plus rien. Ouais, ça se voit là, t'as l'air complètement désorienté. avec les Fous Furieux de Slipknot et leur dernier album We Are Not Your Kind, que personnellement j'adore, qui fait partie de mes coups de cœur de l'année 2019. Et là, c'était Red Flag. Ce que tu me disais hors antenne, c'est vrai que ça fait longtemps que non seulement ça fait longtemps qu'ils tournent, mais qu'ils sont toujours quand même à un très très haut niveau. Ah oui, oui, parce que moi, je m'en étais rendu compte, quand je vendais les premiers albums, et puis une fois que j'étais à Londres, comme je te disais, mais il y a au moins 15 ans, j'avais vu une séance de dédicace au Virgin Megastore sur Tottenham Street, là, avenue là. Et bon, c'était extraordinaire parce que je sais pas, il y avait au moins 1000 personnes qui attendaient, mais en faisant bien la queue avec toutes sortes de déguisements à la Slipknot, quoi. Et c'était assez fabuleux, hein, déjà à cette époque-là. Ouais, et puis pour l'instant, on peut pas dire qu'ils aient connu vraiment de bout dans leur carrière. Ils ont toujours réussi à conserver un public très important. La preuve, là, ils vont jouer à Bercy quand même encore au mois de janvier, quoi. Et ils sont toujours très demandés. Bah, tant mieux. Tant mieux pour eux, c'est clair. Juste avant Slipknot, c'était les Français de Death Awaits et leur nouvel album Rapture Smites, qui est sorti là, il y a quoi, 8 jours à tout casser, et c'était le morceau Better Think Twice. Tiens, sinon, est-ce qu'il y a des petits changements au niveau organisation, au niveau du salon, par rapport aux années précédentes? Bah, si ce n'est le changement de lieu, bien oui, sûr. Oui, c'est le changement de lieu, sinon non, on ne change pas. Les prix d'entrée, c'est toujours les mêmes, 3 euros, et puis gratuit pour les étudiants sur présentation de la carte, et puis gratuit pour les gens de moins de 16 ans. Et puis ben un petit bonus pour ceux qui sont abonnés à l'Astrolabe, puisqu'ils payent 2 euros au lieu de 3. Et puis après, ben, c'est toujours beaucoup de métrages de stand, quoi, avec beaucoup de musique et de la BD. Ça se joue quoi, un tiers, deux tiers, on va dire. Oui, enfin, c'est clair, tu as bien fait de souligner que les prix ne bougent pas. C'est tellement rare en ces temps que... Oui, oui, pour le moment, on bouge rien. On avance comme on peut, mais on peut déjà pas trop mal. Donc, une formule qui est gagnante au niveau, on le fait, on la garde le mieux possible. Et puis, on améliore des petites choses. Pas forcément que tout le monde se rend compte, mais voilà, un petit peu, toutes sortes autour, l'affichage, la pub. Très important, ça, oui. Et puis pour ceux qui veulent rester la journée, je crois qu'il y a toujours possibilité de se restaurer, bien sûr. Ah oui, oui, on a ce qu'il faut, le midi, bar, restauration, à tout ce qu'on veut, quoi. Donc pour les gens qui viennent de loin, qui disent « Oh, j'ai pas envie de venir que le matin ou l'après-midi, ou autre, j'ai envie de rester toute la journée », voilà, vous savez, donc... Exactement, il y a tout ce qu'il faut, il y a un grand parking gratuit, hein. Ça, c'est important, voilà, il y a au moins 600 places, d'après ce que je sais. Et bon, ben après, une fois que c'est parti, qu'on est là le matin, on fouille bien, on peut venir. Il y a du café aussi dès le matin. Après, on espère qu'il y a encore un peu de croissant, parce que les exposants le matin, ils se régalent aussi. C'est normal. Ben les premiers arrivés sont les premiers servis, comme on dit. Voilà, voilà. Mais il y a ce qu'il faut toute la journée. Donc, bonne chose. Eh bien, continuons donc le programme du soir. Là, on va faire quelque chose de beaucoup plus cool avec ce qu'on appelle un super groupe. Là, c'est la crème du rock progressif actuel, avec le groupe qui s'appelle Flying Colors, donc un kaléidoscope musical. Composé, ce groupe, de gens qui vont dire quelque chose. Neil Morse de Spokesbird. Oui. Mike Portnoy, le staccanoviste du metal progressif, hein, Extreme Theater, et puis je ne sais combien de projets solo. Dave LaRue à la basse, qui a joué avec Steve Vai, des gens comme ça. À bonne école. Ah bah, il n'y a pas à dire. Steve Morse aussi. Oui. Steve Morse de Deep Purple. Et aussi le chanteur Casey McPherson, un groupe que moi, pour ma part, je ne connaissais pas avant Flying Colors. Alpha Rev, est-ce que ça te dit quelque non, chose? Non, du tout. Qui est plutôt un groupe apparemment pop, au sens large. Enfin, oui, oui. C'est vrai que pop, ça veut tout dire et rien dire. Hein, oui. Chacun sa pop. Et voilà, tout à fait. Et en fait, depuis 2012, parce qu'on se demande comment ils peuvent se réunir, vu l'emploi du temps hyper chargé de tous ces groupes, ils ont fait deux albums, un en 2012 et un en 2014, et le troisième, là, vient de sortir. Alors, le style, c'est pas de la prog avec des morceaux de 30 minutes, avec des ambiances. C'est beaucoup plus ramassé, quand même, même si les morceaux font quand même 7-8 minutes sans problème, mais beaucoup plus abordable aussi. Que je ne sais pas si tu t'es familiarisé justement à Flying Colors, peut-être pas pour l'instant. Non, pas encore, non. Donc, tu vas découvrir donc leur album Third Degree, qui est sorti début octobre avec le morceau, là on va se faire le morceau Cadence. Yeah. Cadence, extrait de Third Degree, le dernier album de Flying Colors. Moi, c'est vrai que le jeu de Steve Morse se reconnaît entre mille, il n'y a pas à dire. Ah oui, ça joue, c'est marrant. Steve Morse, il a un son, une façon de jouer, tout de suite, magnifique. Bah, ça, c'est un truc que peut-être vous pourrez vous procurer au Salon des 10, puisque c'est sorti début octobre. Oui, oui, il y a des spécialistes en métal, en tout genre. Donc... vous savez, bon, de toute façon, si vous écoutez Electric Shock, vous avez dû fatalement y aller au Salon du Disque, donc vous savez fatalement à peu près où à trouver ce qui vous intéresse. Ah, sinon, il y a manque. Hein. Ouais, là, il y a un problème. Ils vont apprendre hein, s'ils viennent pour la première fois. Hein. Ils reviendront après. Le seul problème, c'est que c'est une mauvaise période parce qu'on a les impôts à payer et puis là, des fois, on se trouve à dépenser un peu plus que prévu. Hein. Non, non, mais faut pas compter. Les impôts, c'est qu'après. Hein. Voilà, oui. Après tout, un certain comme M. Balkany... Ah bon, bon? Il aurait été malhonnête, ça serait su. Ah oh oui, oui, oui. Maintenant, trêve de plaisanterie. Revenons un petit peu... tiens, tout à l'heure, on vous a passé Alter Bridge avec Miles Kennedy. Je vous avais dit qu'il serait de retour avec Slash. Slash qui nous a ressorti un live récemment. C'est vrai que... ouais, il est plutôt prolifique, le monsieur, quand même. C'est guitariste de Guns N' Roses. Enfin, ancien, on ne sait pas trop, puisqu'ils avaient fait une tournée ensemble. Est-ce que pour le prochain album, ils seront à nouveau réunis? On ne sait pas trop. Enfin, toujours est-il que Slash, sous cette nouvelle formule, ça fait 4 albums qui nous sortent et 3 lives. Ah oui, c'est donc, facile. Quasiment à chaque tournée, nous avons droit à un live. C'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que pas. C'est très bien. Il y en a qui vont trouver que c'est peut-être un peu trop. Moi, je trouve que ça évite le piratage. Voilà, c'est ce que je pensais. Voilà, bien dit. Ça évite le piratage. Et puis, ceux que ça n'intéresse pas, après tout, comme ça, personne n'est obligé, après tout, d'acheter. Hein. Donc, on va se faire aller deux petits extraits de Living the Dream Tour. Tout d'abord, Starlight. Oh, Your Ally et Starlight, donc deux extraits du dernier CD-DVD live de Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, hein, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la dénomination. Ça fait toujours du bien entendre ça, hein, Roger, hein, ce genre oui, de rock. C'est un peu plus classique, quoi. Ouais, classique rock. Ça s'approche de ce que j'écoute. Ça, c'est indémodable. Hein. Oui. C'est le genre de musique qui existait il y a 30 ans et qui dans 30 ans... Ah bah tout le temps, hein, c'est le rock qui dure, voilà. qui dure. Le rock n'est pas mort. Non, contrairement à ce qu'on peut entendre dire souvent, où c'est démodé, etc. Non, ça n'a jamais été à la mode. Voilà, hein. Donc, c'est de toute façon, le classique, il dure bien depuis des centaines d'années. Exactement. Et donc c'est pas voilà, fini, donc le rock, il durera même quand on sera plus là. Bien sûr. Eh bah tiens, faisons un petit tour en Belgique. Et on va revenir... l'album de Burn the Flags que je vous ai présenté il y a quelques semaines qui s'appelle Alive but not Living. Ça, après, on peut gamberger là-dessus, ça peut être un petit peu philosophique, hein, je sais pas. Enfin, toujours est-il que le morceau de ce soir s'appelle Blame. dîné beaucoup. La fera sur la plateau. Sympa ça, les Nantais de Parpaing-Papier. Oui, c'est marrant, c'est très mélodique, ça rappelle quelques petites choses. Tout à fait, on n'arrive pas d'ailleurs à mettre un nom dessus d'ailleurs. Ben, un petit peu les Chérifs, ouais. Légèrement plus mélodique, mais c'est vrai, le petit côté comme ça, refrain, couplet, vas-y j'envoie. Avec des textes très humoristiques. Hein. Voilà. C'était Champion du Patin, extrait donc de l'album Tester des casques. D'ailleurs, dans la pochette, on voit un membre du groupe avec un casque en train de se fracasser la tête contre le mur et que les autres regardent d'un air amusé. Tout un programme. Juste avant Parpaing-Papier, c'était Burn the Flags, le groupe qui nous vient donc de Nivelles en Belgique, et leur album Alive but Not Living, et c'était le morceau Blame. Et il est 20h16 hein, déjà sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Le temps passe très très vite hein, quand on a la bonne musique et qu'on est en bonne compagnie. Là, on va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée. Et c'est un petit peu dommage que Bruno n'ait pas pu venir ce soir, parce que ça, je sais que ça y aurait vraiment beaucoup plu. C'est le nouvel album de The Magpie Salute, qui est le groupe de Rich Robinson, donc l'ancien guitariste des Black Crowes, qui a d'ailleurs accompagné de Mark Ford et à la guitare également, et de Sven Pipien à la basse, tous trois anciens Black Crowes, qui viennent de sortir leur troisième album, enfin deuxième album studio, puisque le premier était un live qui était sorti en 2017, où il y avait beaucoup de reprises. D'ailleurs, à l'époque, c'était plutôt un collectif, il y avait quand même 10 musiciens dans ce projet, qui s'est réduit à 6 maintenant quand même. Et ils ont sorti leur deuxième album, qu'ils ont appelé tout simplement High Water 2, puisque le précédent qui était sorti l'année dernière, à peu près à la même époque, s'appelait High Water 1, donc pourquoi faire compliqué. Alors est-ce que le prochain s'appellera High Water 3? Ce sera celui-ci, ce sera l'année prochaine. Et ça, bah tiens, on va le dédier à l'ami Bruno, qui peut-être nous écoute en ce moment d'ailleurs. J'espère. Donc Roger, hein, interro écrite demain. Voilà, s'il écoute, qu'il aura qu'à nous passer un petit coup de fil, tiens. Aussi. 43-48-00. Donc un petit extrait donc The Magpie 2. Non, High Water 2. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi, moi. Et ça s'appelle Turn It Around. Baby,

Bien rock'n'roll tout ça, donc les Vosgiens de Dog and Style avec leur album Only Stronger, c'était Rival. C'est juste avant une des nouveautés de la semaine, The Magpie Salute, le projet donc de Rich Robinson, l'ancien guitariste des Black Crowes, The Magpie Salute avec le morceau Turn It Around de l'album High Water 2, tout chaud, tout bouillant. C'est sympa ça, hein, Roger? Ah oui, c'est déjà plus rock'n'roll. Bah, les Black Crowes, j'aimais bien, hein, surtout les deux premiers albums qui étaient très stoniens à l'époque. Ah oui, tout à fait. Après, c'était un peu plus psyché, tout ça. Un peu plus hard. Oui, oui. Sauf que, ouais, j'aime bien l'album, le live, là, avec pas Led Zepp, mais bon. Avec Jimmy Page. Voilà, avec Jimmy Page, absolument, voilà. Fabuleux. Donc là, c'est un double superbe. Oui, oui. Et puis là, ton dernier groupe, là, ça sonne un peu, des fois, un peu Aerosmith et tout, ça me fait penser par moments. Tout à fait, et sur ce morceau-là, parce qu'il y a d'autres morceaux, ça fait plutôt penser à du Stoner, enfin, c'est très varié. Hein. Oui, oui. Vraiment très varié, un groupe à suivre. Est-ce que tu as envie de voyager ? Tout le temps. Je t'invite en Pologne. Oui. À Wrocław, plus exactement. On va retrouver le groupe russe Imperial Age. Imperial Age, c'est le groupe russe le plus connu après Arkona actuellement. Et Imperial Age vient de sortir son premier live après deux albums. Alors c'est dans le genre métal symphonique. Leur particularité, c'est qu'il y a trois chanteurs, enfin un chanteur et deux chanteuses. Lui, le chanteur, il est plutôt dans le registre ténor. Et ces deux chanteuses, il y en a une qui est en mezzo-soprano et l'autre en soprano. Donc tu vois un peu le style très ampoulé, beaucoup de claviers, etc. Et ce live in Wrocław, c'est une petite exclue Electric Shock parce qu'il n'est sorti qu'à 500 exemplaires. Bravo. Donc j'espère que c'est le genre de choses qu'on peut trouver et qu'on pourra essayer de dénicher au salon peut-être. Ah, hein. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc à suivre. Donc extrait de ce live in Wrocław, Dominic Keynes. Fin du voyage à Wrocław, c'était donc les Russes de Imperial Age, extrait de l'album simplement Live in Wrocław, qui contient donc le concert enregistré à cet endroit, plus des démos en bonus de toutes les époques du groupe. Donc quelque chose d'assez intéressant et en édition ultra limitée. Vous avez eu Death Guard et Dominic Haynes. Ben ça, j'espère que c'est un truc que ceux qui ont apprécié pourront se procurer éventuellement au salon, n'est-ce pas Roger ? Oh ben, y a des spécialistes, hein. Y en a bien un ou deux au moins qui vont traîner. C'est sûr qu'il ne faut peut-être pas y aller à 16h de l'après-midi, mais bon, il y aura plusieurs spécialistes hein, dans ce genre de musique. Si vous cherchez vraiment ce genre de rareté, oui, il faut être dans les premiers, je crois. Oui, oui. Voilà, il faut bien circuler. Mais enfin, on peut demander des fois à d'autres gens. Il y a quand même pas mal de stands de musique. Oui, il y a toujours de quoi faire. C'est un vieil habitué qui vous parle, parce que le Salon d'Orléans, maintenant, c'est une institution. Parce que la première édition, c'était en 1993, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, ça doit être ça. Oui, oui. Bon, moi, c'est déjà la sixième, mais avant, il y en a eu une vingtaine. Tu as participé dès le début, aussi, en tant que... À la deuxième, la première, ça ne s'est pas trouvé. Mais dès la deuxième, donc j'ai toujours été là. Avant, j'avais un stand tranquille. Oui, maintenant, ben voilà, je suis passé. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. Continuons avec du Made in France avec le groupe Magoyant qu'on a laissé un petit peu de côté ces derniers temps, avec leur concept délirant Crypt Show avec un morceau qui s'appelle Le Jour des Vivants. L'horreur sort dans la rue, se part de beaux visages. On fête les serments, on se rappelle du temps où l'homme était puissant, en souvenir des vivants. Gisant, gisant, calmez donc vos ardeurs. Aujourd'hui c'est la trêve, camouflez votre odeur. Soyez votre uniforme, cachez vos cicatrices. Mettez un masque en peau, cessez vos maléfices. Oubliez la rancune, oubliez la rancœur. Yeah. planète devient sage. L'horreur sort dans la rue, se part de beaux visages. Nous oublions le temps, nous oublions le sang. Percés d'illusions, croyons au changement. Mais la famille oppresse. Notre extinction progresse. Mais la famille oppresse. C'était le jour des vivants de Magoyonde, extrait de l'album Creep Show. Un petit côté Alice Cooper, hein, très théâtral hein, quand même. Ah oui, dans la période plus proche d'Alice Cooper. Tout à fait. Ouais. Maintenant, bah tiens, un petit corne, est-ce que ça te dirait? Ah pourquoi pas, hein, c'est bien à part, moi je dis pas fait, non. C'est ça Electric Shock, hein, on passe un petit peu du coq à l'âne, de toute façon il y a tellement de genres et de sous-genres qu'il en faut pour tous les goûts. Un petit extrait de The Nothing, allez c'est parti, ça s'appelle You Will Never Find Me. J'adore cet album, le dernier Korn, The Nothing, avec You Will Never Find Me. Ça, je sais, Roger, que c'est pas trop ta tasse de thé. Pourtant, je t'ai vu hocher la tête. Non, mais ça me gêne pas. J'aime bien ses à-coups et tout. Puis quand je pense que Korn, à l'époque, quand c'est sorti, ça a été décrié en France, tant et plus. Mais moi, je sais que j'en vendais à des gens bien spécifiques, un peu comme Slipknot aussi à l'époque. Hein. Et puis, quand je vois que ça existe toujours, puis que ça draine des salles avec beaucoup, beaucoup de monde, ça fait plaisir en même temps. Tous les petits trucs un petit peu nouveaux comme ça qui dérangent toujours. Bah c'est clair que Korn, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un groupe qui a apporté énormément de choses, qui sont arrivés avec un son qui était très personnel. Moi, on ne pouvait pas dire qu'ils ont copié machin ou bidule. Ils sont arrivés avec un son qui était très personnel, qui a été d'ailleurs très copié, on peut dire. Et qu'ils ont su évoluer, ils ont fait des choses très différentes. Ils ont même fait quasiment de l'électro. Ils ont fait certains albums qu'on n'a pas passé ici, mais qui étaient un mélange de dub et tout ça. Donc vraiment, qui était très... qui a expérimenté énormément aussi, quoi qu'on puisse dire, même si là, ils ont plutôt revenu à leurs fondamentaux. Bref, c'est un groupe qui mérite vraiment le respect. Parfait. Tout à fait. Oh, le temps passe très très vite, mais là, on va se faire du pur métal. Et on va revenir au fabuleux live United Alive in Madrid de Helloween, enregistré en décembre 2017, où Helloween s'est vu rajouter pour cette tournée les membres historiques Michael Kiske et Kai Hansen, qui n'aient pas joué avec eux depuis... presque 30 ans. Ils se sont rabibochés apparemment. C'était vraiment... Moi, qui ai vu le concert à Paris au Zénith, ça a été vraiment fabuleux de voir les deux chanteurs se partager le chant. Ils ont vraiment retravaillé les morceaux à ce que tout le monde participe. Vraiment du très très bel ouvrage. D'ailleurs, j'espère bien qu'au salon, j'arriverai à trouver le DVD parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé... J'ai le penchant audio, mais je n'ai pas le vidéo. Ah, il y a du DVD aussi. Hein. Ça, tu vas te régaler. Donc, c'est des choses que je recherche, entre autres. Pas de problème. Donc, un petit extrait de ce Helloween, bien sûr. C'est un classique qui était sur le Keeper of Seven Keys Part 2. C'est Dr. Stein. Et puis, on va le dédier à l'ami Christophe des Iron Troopers, qui, je sais, est un grand fan, d'ailleurs. Puis, tiens, aussi une petite annonce tout à l'heure, j'y pense. Si samedi soir, vous avez envie d'écouter du métal, il y a deux groupes, So More Chains et Acoustic Wild, qui reprennent donc des morceaux classiques de métal en version acoustique. Ce sera au Blue Devils samedi soir. Ben, au Blue Devils, où je vais juste après toi, là, je vais voir les Suicide Generation, un petit truc un peu punk rock'n'roll. D'accord. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Dès que Electric Shock c'est fini, vous éteignez votre radio. Enfin, bon. Et puis, vous allez au Blue Devils. On sort. Voilà. Helloween. Just look over there. People! Aye. It's Harry! And over there. People! And over there. People! Spanish people. Most of them. Te puta madre aquí, eh? I'm Alive, extrait de United Alive in Madrid. Voilà, bah ce sera donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Merci à toi Roger d'être venu une fois de merci plus. Merci aussi Christophe. Présenter cette nouvelle édition qui j'espère sera fructueuse. Oh bah ça va être grand hein, le disque et la BD ce week-end. Donc on vous rappelle que dimanche, impérativement, il faut aller au salon du disque et de la BD qui a lieu au Chapiteau. Hein, au Chapiteau, voilà, c'est au nord, sur entre la Fleury-les-Aubrais et Orléans, sur le site où il y a eu la fête foraine. Voilà, comme ça, vous savez vous situer. Et que c'est à partir de 9h30, c'est 9h30 ça pour l'entrée au public. Voilà, donc... dimanche, ben, j'espère vous y croiser parce que ben, bien sûr, moi j'y ferai un tour, sauf, je ne sais jamais, une attaque nucléaire ou je sais pas, des zombies qui sortiraient de terre et qui me mangeraient vivant, enfin, même si je sais que je ne suis pas comestible. Ah, oh, surtout des zombies, ça serait bien. Mais ça pourrait être sympa. Ah oui. Ben, je suis bête. Eh bien, encore une fois, merci à toi Roger et puis merci à vous tous. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour d'autres nouveautés. Puis on parlera un petit peu du salon aussi, bien sûr. D'ici là, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Salut à tous!